Écriture, philosophie, humaniser l'humanité. Œuvrant dans le monde des grandes organisations depuis une quinzaine d'années, c'est à la demande du secteur des ressources humaines, des sciences sociales et de la culture que je suis devenu conférencier et formateur. Ce n'est que vers la fin de mon cours classique que j'ai compris ce que voulait vraiment dire le mot « humanité ». En étudiant les textes philosophiques et littéraires, j'apprenais à réfléchir. Comme je voulais connaître le pourquoi de la vie, je m'orientais vers la faculté de philosophie où j'allais apprendre à trouver le point d'Archimède sur lequel appuyer l'essentiel de mes réflexions. Héraclite, le philosophe grec, disait il y a 2500 ans, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. À l'aube du troisième millénaire, la seule permanence étant le changement, cela suppose que la loi de l'évolution est inéluctable et que prévoir l'avenir, c'est apprendre à apprendre. C'est pourquoi la formation continue est essentielle à tout individu, à toute organisation. Changer, c'est créer. La créativité favorise la floraison des compétences et des performances. Créer, c'est évoluer. Évoluer, c'est réaliser le meilleur de l'humanité en nous. Comme je suis un artiste multidisciplinaire, créer sans cesse donne un sens à ma vie. Et chez moi, la dimension rationnelle que me donne la philosophie ne se détache jamais de la dimension émotionnelle que me donne l'art. Il peut même arriver au cours d'une conférence de chanter une chanson, dont le texte répond à la thématique abordée ou en atelier, d'en créer une avec le groupe, ou alors de créer une œuvre collective, peinture, sculpture, collage poétique, chant, musique. Le deuxième point d'appui de ma pensée est l'homéostasie. Concept biologique qui définit l'état de santé d'un organisme vivant et dont la fonction est de maintenir l'équilibre entre ce qui était et ce qui sera. Demeurer le même tout en changeant ou conserver tout en transformant. En ce qui concerne les organisations, ce principe pourrait s'appeler la voie du milieu et qui devient le fondement logique de l'intergénérationnel et nous enseigne que les savoirs acquis par les aînés doivent être transférés aux jeunes qui les peaufineront. L'application de ce principe permet également de transcender les polarités en percevant les contraires, notamment les différences culturelles, non plus comme des opposés, mais comme des complémentaires, entre la raison et le cœur, entre l'utile et l'agréable, entre nos différences et nos ressemblances, entre l'expertise et l'humanisme, il faut toujours choisir les deux. En méditant sur la structure des systèmes dans la nature où tous les niveaux sont en interaction dynamique, j'ai trouvé un troisième point d'appui, typiquement écologique, au contenu de mes conférences. L'interdépendance de l'être humain et de son environnement naturel et culturel. Comme l'unité dans la diversité des identités et des fonctions conditionne une productivité heureuse et une rentabilité croissante, je suis persuadé que le point d'Archimède de cette unité est le respect de la personne. C'est le moteur de sa motivation et de sa créativité. Toute organisation dont la philosophie est humaniste remportera rapidement le gros lot. L'humanisation des relations interpersonnelles à tous les échelons de toute hiérarchie est la première chose qui ne doit jamais changer. Lorsque je sors d'une conférence avec le sentiment que j'ai pu créer un climat de réciprocité, de solidarité, de convivialité, je sens que l'humanité a un sens, la co-évolution.